Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Au microphone, Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant d'une déception ce matin à Pyeongchang, alors que Marianne Saint-Gelais a été disqualifiée lors de la quart de finale du 500 mètres. Marianne a entraîné une chute d'une adversaire, ce qui a fait en sorte que les juges ont décidé de la disqualifier. Le dossier de Saint-Georges Vézina fait énormément et toujours parlé hier avec conférence de presse à Ville-Saguenay où on a parlé de la suite des choses pour les Saguenay et le Chicoutimi. Et ce qu'on sait, c'est que les quatre prochains matchs des Sags seront disputés au Palais des Sports à compter de dimanche prochain. Concernant les détenteurs de billets de saison et les partenaires d'affaires, tout sera mis en œuvre évidemment pour leur donner satisfaction. Une deuxième galerie de presse également sera fabriquée pour accueillir une vingtaine de personnes et sera aménagée évidemment à temps pour le match de dimanche. En entrevue sur les ondes de DanRadioSport.com hier, le responsable de la commission des sports à Ville-Saguenay, notre collaborateur Michel Tifot, a évidemment parlé de ce dossier. Et Michel Tifot mentionne que tout le monde le sait que ça prend un nouvel amphithéâtre à Ville-Saguenay. Par contre, c'est un problème d'argent. Je ne sais pas si tu as écouté le reportage à Radio-Canada samedi, quand on a repris la conversation du premier ministre Couillard, qui dit que ça ne prend pas la tête à Papineau pour savoir que ça prend un Saint-Georges Vézina. Moi, ils m'ont fait entendre ça, puis j'ai répondu tout de suite, je le sais que ça ne prend pas la tête à Papineau, mais ça prend de l'argent. Puis là, l'argent, il faut trouver. T'sais. Évidemment, le premier ministre, c'est pas manifesté, il n'a pas dit je suis prêt à donner de l'argent, là, ça va prendre des subventions. Alors, dans 3 semaines, on va être en mesure de vous en dire plus long là-dessus. OK. Un conseiller spécial a dit qu'il fallait augmenter de 4% pour financer un nouvel amphithéâtre. Et Michel Tifo a mentionné qu'il n'y a pas de chiffres qui ont été lancés et on ne sait pas comment financer ça. Et d'ici quelques semaines, on devrait avoir le coût total du projet de nouvel amphithéâtre. Avant de dire quoi que ce soit, tu sais, il y a beaucoup de réponses, Annie, que je voudrais bien te donner, mais que je ne suis pas en mesure parce que nous autres, on a pris la décision de fermer le Saint-Georges Vézina temporairement vendredi soir. Mais là, pas besoin de vous dire qu'on est en réunion toute la journée, toute la semaine. Alors là, plus ça va avancer dans nos réunions, plus on va être en mesure de vous donner des réponses sur certaines questions. Mais là, c'est encore tout frais. En fin de semaine, il y a... Parlons maintenant de l'autre nouvelle qu'on a lancée. C'est confirmé, Robert Val a fait une demande pour accueillir une équipe Benjamin de Division 1 pour la saison prochaine dans une nouvelle ligue scolaire qui contiendrait une trentaine d'équipes. C'est du moins ce que le responsable du regroupement sport étudiant de Saint-Lac-Saint-Jean, Éric Benoît, a confirmé hier sur les ondes de DanRadioSport.com. Dans le fond, la ligue Division 1 est une ligue provinciale qui joue partout au Québec. OK. La mise en place, c'est une toute nouvelle ligue qui a été annoncée en décembre dernier. Dont le réseau du sport étudiant, après discussion avec Hockey Québec, là, met en place une ligue de hockey Division 1. On avait l'offre de service pour la catégorie cadette et la catégorie juvénile, mais rien n'est en place pour du côté Benjamin. Et la décision s'est prise là et l'offre a été faite à toutes les écoles du Québec en décembre. Et une réponse est attendue au mois de à la fin février, début mars, selon Éric Benoît. Présentement, les demandes sur la table, il y a 35 programmes de mémoire qui ont fait une demande. OK. Le comité d'évaluation n'a pas eu lieu encore, donc l'ensemble des équipes ont déposé leur cahier de charges pour adhérer à la Ligue pour la saison 2018. Je sais que le comité se réunit dans la semaine du 19 février prochain et que les réponses par la suite vont être fournies aux institutions au début du mois de mars. Donc, au début du mois de mars, on sera fixé si la cité de Robertval va intégrer la Ligue de hockey Division 1. Benoît pense que la cité étudiante de Robertval a d'excellentes chances d'obtenir une concession. À la ronde de Novice Atome de Robertval en fin de semaine, il y avait quand même pas mal de stock. Donc, en grande finale du Novice B, les Genois d'Allemagne ont défait les Patriotes de Saint-Bruno par la marque de 3-2. Et dans la catégorie Novice A, à noter que du côté du Novice A, en grande finale, victoire des Royal Metropolitan 3-2 sur les Faucons de Beauport. Curling à Sept-Îles. On sait qu'il y a une équipe de Dolbeau qui représente la région au tournoi au tournoi senior. Et ça va bien pour la formation de Steve Boudreau. Hier, ils ont défait facilement l'équipe de Julien Villeneuve par la marque de 8-1. Et hier matin, autre victoire cette fois de la formation de Steve Boudreau. Steve Boudreau qui a remporté une victoire hier de 10-6 contre Marc Don. Ça se poursuit aujourd'hui à Sept-Îles. Vous pouvez écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Guy Saint-Gelais du hockey mineur de la Ligue JMS. On s'est également entretenu avec le responsable de la commission des sports à Ville-Saguenay, Michel Tifo. Vous pouvez écouter l'intégrale de la conférence de presse des Saguenay hier. Merci à CKJ pour le signal. Donc, vous pouvez entendre ça et vous pouvez écouter d'autres entrevues dans la section entrevue de danradiosport.com. Le sport local et régional à danradiosport.com. La référence du sport, on s'en occupe.